master. Die Verplanen des Cheveux et les aisselles. Ah, des plis grands dans le nuit, la nouvelle est en moi très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Des grincements de dents, des sifflements de feu, des soupirs en pécesse moderne. Tous les souvenirs immondes s'effacent, mes derniers regrets étalent. Des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Si brutal que la bataille d'âme. Et la vision de la justice, c'est le plaisir. Que parlais-je demain, ami? Un bel avantage, c'est que je puis rire de vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs.